Phrase 8. Activation orale. Protestation. Écoutez et répétez en imitant le modèle aussi exactement que possible. 1. Hé là, pas de restille. À la queue, comme tout le monde. 2. Oh, ça va, ne vous énervez pas. 3. Si on ne peut plus draguer une fille. 4. Ah, il est puant, ce mec. 5. Non, mais pour qui se prend-il, celui-là ?